L'ange sur la terre, chapitre 21. Projet de mariage. Il est facile de le deviner. Ce n'était pas sans raison que Gennaro chantait victoire. Avec l'abandon de quelqu'un qui a épuisé toutes ses forces dans la lutte, Rene céda enfin au sentiment qui la dominait. Cette passion, si violente chez une femme incapable de la dissimuler, si puissante chez un homme qui en était fier, ne fut bientôt plus un secret pour personne. La marquise s'en aperçut des premières et fit à sa fille les réflexions que lui suggérait sa tendresse maternelle. Mais en vain lui démontra-t-elle les avantages d'une union avec le marquis de Nabia. En vain fit-elle briller à ses yeux les qualités de Martial et son brillant avenir. Tout vint échouer devant la volonté fermement prononcée de Reine. Usant de ses pouvoirs de mère et de tutrice, la marquise défendit à sa fille de parler à Gennaro, et celui-ci, blessé dans son orgueil, reprit son ancienne tactique, et, au premier désagrément qu'il essuya de la marquise, il cessa de venir chez elle. Les amours de Reine et de Gennaro faisaient l'objet de toutes les conversations. Tout le monde les connaissait, à l'exception de Martial, tellement infatué de sa propre personne qu'il ne voyait même pas ce qui crevait les yeux des autres. Aussi continuait-il impassiblement à faire la cour à sa cousine. Fabiane, fort attachée à Martial, souffrait de cet aveuglement et se résolut enfin à tâcher de lui dessiller les yeux. Mais s'il y avait au monde une entreprise difficile, c'était certainement celle de persuader au présomptueux jeune homme qu'un autre pût lui être préféré. D'ailleurs, nous l'avons déjà dit, dans la loyauté de son cœur, il ne pouvait même supposer à Gennaro l'idée de le supplanter auprès de Reine. Un matin, donc, que Gennaro était sorti et que Martial et Fabiane se trouvaient réunis dans la salle à manger, ce dernier saisit cette occasion pour sa difficile entreprise. « Que voulez-vous pour déjeuner, señores ?» demanda la servante galicienne, châtaigne villageoise, encore enveloppée dans son écorce rugueuse et dans son jupon de laine bicolore. « Je ne prendrai que du chocolat, » répondit Fabiane. « Et vous, señorito Pascial ?» Apporte-moi 2 ou 3 produits de l'oiseau domestique avec quelques tranches de jambon, dit Martial. La servante ne bougea pas et regarda Martial d'un air hébété. Écoute ceci, lui dit-il, voyant qu'elle ne remuait pas. Un éloquent prédicateur, prêchant pour la première fois, se perdit dans les nuages et demeura court. À la vue de cette face étonnée, comme la tienne en ce moment, de cette bouche béante, comme celle que tu ouvres en me regardant, un auditeur cria à haute voix. « Eh bien, qu'attendez-vous pour continuer ? Fais ton profit de mon compte. » La servante avait ouvert ses grandes oreilles, mais elle n'en bougeait pas plus. « Seigneur, dit-elle enfin, je ne comprends rien à vos paroles. « Eh bien, écoute donc, détestable fricoteuse. « Sais-tu ce que c'est qu'un oiseau ?»« Jésus, si je le sais, un oiseau, un animal si gentil ?»« Un oiseau, dans le sens culinaire que j'attache à ce nom, est un animal domestique. Une poule, enfin, comprends-tu ?»« Une poule ?» exclama la Maritorne. « Une poule, un oiseau ?»« Oui, un oiseau de basse-cour. Et sais-tu, honte du beau sexe, ce que c'est qu'un œuf ?»« Pardienne ?» « Comment ne le saurais-je pas? J'allais en dénicher tous les matins à la campagne. » « Un œuf, ô la plus inepte des créatures humaines, n'est-il pas un produit de la poule? La poule ne pond-elle pas ?»« Oui, seigneur, quand elle n'est pas couveuse. »« Fort bien. Donc, le produit d'une poule, qui n'est pas une couveuse comme toi, est bien un œuf, n'est-ce pas? Si donc je t'ai dit de m'apporter les produits de l'oiseau domestique, j'ai demandé des œufs. Ah, ne reste pas là à me regarder avec tes yeux de congre mort et mets en mouvement ces deux chaloupes canonnières que tu appelles tes jambes. Allons, leste! Mon estomac se plaint d'être aussi creux que ta cervelle et aussi vide que ton crâne. » La servante finit par comprendre qu'il s'agissait d'apporter des œufs et s'en fut en murmurant. « De quel endroit peut donc bien être le seigneur Patial, qu'il parle si drôlement ?»« Écoute, dit Fabiana Martial, quand ils furent seuls, je t'aime sincèrement, car, avec tous tes défauts, tu es un bon et honnête garçon, et tu as le cœur le plus loyal que je connaisse. Tu peux te flatter, ma paisible rivière, d'être payée de retour. Je t'apprécie, je te distingue, je t'aime. » Et je te le dis de tout cœur, mais j'ai été peinée tout à l'heure de t'entendre dire que tu m'aimais malgré mes défauts, qu'il fallait dire malgré mes vices. Pour toi, Melendez futur, et pour Genaro, ce Machiavel en herbe, je passerai au travers du feu comme une salamandre et au travers des ondes comme une baleine. Eh bien donc, Martial, en qualité de véritable ami, je ne voudrais pas te voir jouer un rôle ridicule. « Qu'est-ce que tu entends par un rôle ridicule ? » exclama Martial. « Crois-tu la chose possible, innocent que tu es ? » Nous sommes tous en ce monde exposés à jouer, un jour ou l'autre, un rôle ridicule. Tu n'en es pas plus exempt que moi. « Moi ? Allons, paisible rivière, tes ondes cristallines et tes idées sont un peu troublées ce matin. » Parlons d'autre chose, ou sinon je croirais que ton courant suit aujourd'hui une mauvaise pente. Voyons, j'ai reçu de l'argent. Veux-tu 1000 réaux à ne jamais rendre, entre amis? Merci, mon fils, merci. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de te faire ouvrir les yeux, Martial, de te montrer que tu joues un triste rôle, et je ne veux pas que cela continue. Oh, père Dauro, au lieu d'une eau limpide, serait-ce le jus de la treille qui murmure dans ton paisible canal? Et à propos de treille, Marie Thorne, Marie Thorne! La servante n'arrivait pas. Martial battit le rappel sur son verre, comme on fait dans les cabarets, et à cet appel, elle accourut. Émule du colimaçon, tu te croises les bras et tu te chauffes le ventre au soleil, au lieu de venir occuper à la table ton emploi de Ganymède, lui dit Martial. Pourquoi ne viens-tu pas quand on t'appelle? La nature ne t'a donc doué de ces deux longues oreilles pour que tu y suspendes ces boucles d'un or honteusement faux? Ne m'as-tu pas entendu, grosse cruche? Certainement que j'ai entendu, seigneur. Ah, qui n'entendrait pas votre voix, semblable au roulement de tambour? Mais comme je ne me nomme pas Marie Thorne, je pensais que vous appeliez peut-être la petite voisine d'en face pour lui demander des nouvelles des fleurs que vous m'aviez chargé de lui porter. « Silence, mercure imprudent! Si tu as les oreilles bouchées, tu as la langue trop longue. Allons, marche paresseuse, et apporte-moi une bouteille du précieux nectar de Bacchus. Non pas de celui qui croît sur ses coteaux, une bouteille de San Lucar. » La servante demeura immobile. « Eh bien, tu es encore là? Statu quo féminin? Pourquoi ne vas-tu pas chercher le nectar de Bacchus ?» Jésus, Seigneur, pour l'amour de la Sainte Vierge, parlez espagnol, je ne vous comprends pas. Ne connais-tu donc pas Bacchus, villageoise incivilisée? Non, Seigneur, je ne suis pas obligée de connaître tout le monde. Apporte-moi du vin de Sanlúcar, dit Martial à la servante. Enfin, murmura celle-ci en sortant. Ne pas connaître la mythologie, dit Martial. La chose la plus vulgaire, la plus commune, la plus usuelle. Il a bien raison de dire, ce grand échalas de Tiburcio Civico, mon ami, nous sommes arriérés. Martial, reprit Fabiane, il faut que je te le dise, quand bien même tu ne voudrais pas l'entendre. Reine et Genaro s'aiment et sont d'accord ensemble. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, et l'on s'étonne de ton aveuglement à ne pas t'en apercevoir. On blâme ton entêtement à persister dans des prétentions qui sont visiblement repoussées. » Martial se mit à rire. « Vous avez voulu me faire croire aussi, répondit-il, que Reine avait distingué Tiburcio, qu'elle l'avait appelé Antonie. Eh bien, elle m'a donné à ce sujet la plus complète satisfaction et l'a traité de niais et d'imbécile. Je regrette qu'elle ait ainsi qualifié un ami, mais c'est sa faute. Pourquoi l'est-il sur mes brisées ? Tu ne compareras pas, j'espère, à ce grotesque et hideux Tiburcio, notre ami Renaro, la quintessence des courtisans d'Ebé, comme tu l'as toi-même baptisé. Il est vrai que l'un plane aussi haut dans les airs que l'autre rampe servilement sur la terre. Mais sans les comparer, je puis bien dire que ni l'un ni l'autre, ni même toi, ô la plus paisible des rivières, vous n'êtes pas de taille à lutter contre Martial et à prétendre usurper la place du fils de mon père. Pour être si sûr de ton fait, Reine t'aurait-elle par hasard avoué qu'elle t'aimait ? Pas précisément, mais voyons, Fabiane, la main sur la conscience, pourrait-elle ne pas m'aimer ? Te prends-tu donc pour un quadruple, Martial ? Note du traducteur. Quadruple, pièce d'or valant 84 francs 80 et qui est le signe représentatif le plus considérable de la monnaie espagnole. Fin de la note. Te prends-tu donc pour un quadruple, Martial ? Pour plus de 80 quadruples, père Dauro. Eh bien, mon fils, Renaro en vaut plus de 100, car il est le préféré. Le préféré. Allons, ma paisible rivière, au lieu de refléter aujourd'hui un ciel pur et serein, tes ondes reflètent de sombres nuages. Réfléchis donc un peu, aveugle que tu es. Renaro est assez beau garçon, je ne le nie pas. Mais sa figure de monnaie ségovienne peut-elle être comparée à la mienne, véritable type d'une monnaie romaine ? Sa taille peut-elle lutter contre la mienne, qui a toute la majesté d'une statue équestre ? Tu veux dire d'une statue colossale ? Silence, paisible rivière, gèle-toi comme l'Elbe quand je parle. Je poursuis. Renaro n'est pas sot, c'est une justice à lui rendre. Mais il n'est pas appelé comme moi à briller dans les assemblées. Il lui manque l'art de s'exprimer éloquemment, l'organe pour se faire entendre, l'aplomb pour se faire écouter. Il est de bonne famille, je ne le nie pas, mais de famille pauvre, et il n'est que cadet, tandis que moi... Grâce, grâce, Martial, je sais par cœur ton arbre généalogique et l'état de la fortune dont tu dois hériter. Je me propose un de ces jours de composer un drame que j'intitulerai « Martial ou Jean avec terre, mais sans noviat ». Voudrais-tu, continua Martial sans l'écouter, comparer le frêle corps de Renaro, comme tu dis, dans ta rage d'espagnoliser les mots français, avec l'élévation de ma stature, la vigueur de mes muscles, la noblesse de mes formes ? Qui sont un type de celles d'un gladiateur accompli, la reproduction de celles d'un de ces Alcibiades qu'ils se font voir dans les cirques. Alcide, rectifia Fabiane. Alcibiade, affirma Martial, le beau, le brillant disciple de Socrate. C'est le type que je me suis toujours proposé comme modèle. Mon premier soin, quand je retournerai dans ma ville natale, sera de couper la queue à mon chien. Alcibiade était voluptueux, philosophe et guerrier. Je ferai une variante au programme. Je serai voluptueux, philosophe et politique. Il était galant à Athènes, sobre à Sparte. Je serai, moi, galant à Séville, sobre à Badajoz. Modère-toi, Martial, et ne t'exalte pas ainsi au souvenir d'Alcibiade. En admettant tous les avantages physiques et moraux, qui te place au-dessus de Renaro, cela ne prouve rien, sinon que Reine a mauvais goût, qu'elle a fait un mauvais choix, qu'elle réfléchit peu à ses actions et qu'elle n'est pas intéressée. Mais il n'en est pas moins certain qu'il ne te reste plus qu'à chanter avec Expromeda. Les illusions perdues sont les feuilles arrachées de l'arbre du cœur. Je ne chanterai pas comme Espromeda, je ne me lamenterai pas comme Jérémie. Toi et les autres, vous n'êtes que des visionnaires. Reine, me préférez ce petit Renaro, elle me le dirait de sa propre bouche que je ne le croirais pas. Je savais bien, répliqua Fabiane, que tu ne serais pas facile à convaincre, et je ne l'ai pas entrepris sans avoir de quoi appuyer mes paroles. Je ne croirais pas Reine elle-même, me disais-tu tout à l'heure. Que penserais-tu d'une lettre écrite de sa propre main? Une lettre écrite de sa propre main? Dit Martial en baissant un peu le ton. Un hasard m'en a rendu maître. Renaro a oublié ce billet dans un livre qu'il m'a prêté. Martial arracha le billet des mains de Fabiane et lut. Oh, Renaro, reviens, reviens, si tu ne veux pas me mettre au désespoir. Reviens, je t'en supplie à genoux. Supporte, par amour pour moi, la mauvaise humeur de ma mère. Tu connais mon ascendant sur elle, je saurai bien l'apaiser. Mais dût ma mère ne pas céder, ne perds pas confiance comme tu m'en menaces. Je serai à toi, je deviendrai ta femme et ton esclave. Viens ce soir avec le gros Martial, et pendant qu'il ira saluer ma mère, tu pourras mettre ta réponse dans les cahiers de musique. Quand il eut achevé cette lecture, Martial, au lieu de reposer sur la table le verre plein qu'il tenait à la main, en fit une libation aux Euménides. « Perfide ami ! » s'écria-t-il enfin. « Renard subtil, maligne bête, trompeuse femme, plus aigre douce qu'une orange amère. Je vois maintenant pourquoi elle appuyait si fort sur ce mot de cousin quand elle parlait de moi. C'est une trahison, une infamie, une perfidie, un abus de confiance de la part de ce Renaro, et de la part de Reine, c'est la marque du goût le plus dépravé. Et cette lettre, quelle honteuse palinodie de la part de cette Reine, si fière, si dédaigneuse et si hautaine. Conçois-tu rien à cela, Fabiane ? Je n'en suis pas étonnée, répliqua Fabiane. Ainsi doivent finir ces femmes si fières de leur beauté. Règle générale, Martial, quand une femme abjure la dignité, elle est capable de tous les excès. Jamais sa douce et modeste lagrimace n'eût écrit une semblable lettre. Non, une femme aimante sait souffrir, mourir même, mais elle ne se dégrade jamais. Et cette lettre, Martial, écrite par une femme telle que Reine, est une véritable dégradation. Oui, cette lettre est dégradante, exclama Martial. Si elle m'avait été adressée, passe encore. Mais à ce sournois, à ce perfide renard, c'est une infamie, une marque de honteuse folie. Le prestige s'est effacé, Fabiane. La reine est descendue du trône. La déesse de l'Olympe, la sainte de l'autel. Enfin te voilà convaincue, dit Fabiane. Ce n'est pas sans peine. Pourquoi ne m'avoir pas cru plus tôt? Je te l'avais bien dit depuis longtemps, Martial, que Reine ne t'aimait pas. Était-ce une raison pour le croire? Aurais-tu par hasard un brevet d'infaillibilité ou un diplôme de science universelle? Jamais je n'aurais cru que semblable chose fût possible. Ne connais-tu donc pas ce vers français? Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Trêve, je te prie, à tes sottes citations exotiques. Oh, femme, femme, abîme de caprice, type d'extravagance, chaos de contradiction, couleuvre, scorpion, caméléon, basilic, vous êtes le mensonge et la ruse incarnée. Voyons, voyons, Martial, calme-toi et raisonnons. Quel droit as-tu d'accuser Reine? T'avait-elle donné le droit de concevoir quelque espérance? Crois-tu donc, exclama Martial, que j'ai vécu jusqu'à présent sans espérance, comme les damnés du Dante? Tu te laisseras forger toi-même, car je suis sûr que Reine ne les a jamais encouragés. Crois-tu qu'elle t'aurait jamais écrit une lettre comme celle que tu viens de lire? Non, mais cela n'était pas nécessaire. Jamais ma tante ne m'a fait mauvaise mine, excepté cependant le jour où j'ai conduit Tiburcio chez elle. Tu croyais donc tes affaires plus avancées auprès de ta cousine? Qu'y aurait-il d'étonnant? Il me semble que mes prétentions n'étaient pas déplacées. Mais être ainsi trompée par l'amour et par l'amitié? Non, non, je n'en resterai pas là. Je me vengerai. La vengeance est le plaisir des dieux, comme dit saint Augustin. Jésus, Martial, cette citation dépasse toutes les autres. S'il y avait encore une inquisition, tu risquerais fort d'endosser le San Benito. Bien, bien, Hippocrate l'a dit aussi, dans ses aphorismes. Mais n'importe l'auteur, je mettrai le précepte en pratique et je me vengerai avec délices. Du calme, Martial, du calme. Que feras-tu pour te venger? Je retirerai d'abord à elle mon amour, à lui mon amitié, à tous deux mon estime. Mais dis-moi, Fabiane, je croyais que Lagrimas aimait ce déloyal ami. Oui, mais il prétend n'avoir jamais laissé prendre hypothèque sur son cœur. Le beau bijou, vraiment! Quel filtre, quel talisman! Quel sortilège possède donc ce frêle roseau, le plus frêle parmi les frêles, après Tiburcio cependant, pour se faire aimer de la sorte? Othello inspira de l'amour à Desdémone en lui racontant ses hauts faits. Renaro serait-il arrivé au même but auprès de Rennes en lui narrant ses méfaits? Renaro, répliqua Fabiane, ne manque ni d'esprit ni de talent. Il est gracieux de sa personne, piquant dans sa conversation, il possède enfin ce « je ne sais quoi » que Balzac a ainsi défini, un composé d'esprit, de bon goût et du désir de plaire. Son « je ne sais quoi », je sais bien ce que c'est, moi, ce sont ses ruses, ses paroles mielleuses, ses mines cafardes et surtout son hypocrisie. J'ai agi envers toi en bon camarade, en véritable ami, lui dit alors Fabiane. Ce que je te demande maintenant, c'est de ne pas me compromettre auprès de Renaro. Je serais fâchée qu'il vît dans ma conduite autre chose que le désir de t'épargner au ridicule. À ce moment, entra Renaro. Crois-tu, lui cria Martial dès qu'il l'aperçut, que j'aille ce soir chez ma tante? Je le suppose, répondit Renaro. Eh bien, tu commets une erreur, une grave erreur. « Une lourde erreur !» répliqua Martial en s'efforçant de sourire. « Une erreur ?» dit Renaro sans sortir de son calme. « Je t'avoue que je n'entends pas, je ne comprends pas, je ne me rends pas compte, j'y perds mon latin !» style Martial. « Toi qui sais tout, qui vois tout, qui entends tout, qui devine tout !» prétention renarienne. Tu ne sais peut-être pas une chose qu'il t'importe de savoir. Et cette chose? Demanda Renaro. Cette chose est que moi, Martial, moi-même en personne, le gros Martial, comme m'appellent certaines dames, l'ex-ami du petit Renaro, je n'ai pas été créé et mis au monde pour servir d'écran à personne. Non, dit ironiquement Renaro. Non, ni de paravent non plus. À la bonne heure, j'en fais mon compliment au vent. Ni de plastron, et encore moins de pantin, pour aller saluer les mamans. À qui diable en as-tu en me débitant toutes ces balivernes avec une emphase, une prosopopée, un sérieux digne d'une meilleure cause? Demanda Renaro. Si je te dis ces choses, c'est afin que tu les saches, répondit Martial, avec les notes les plus graves de sa grosse voix, et il quitta l'appartement d'un pas majestueux. « Qu'est-ce qui lui a donc pris ? » demanda Renaro à Fabiane. « Il est sérieux comme un âne qu'on étrille. Quelle mouche l'a piqué ? » ?»« Je crains que ce ne soit la mouche de la jalousie et du dépit amoureux. »« Aïe, aïe !» riposta Renaro en se grattant l'oreille. « Cette piqûre est fort dangereuse. » « Renaro, Renaro, tu n'as pas joué franc jeu. Pourquoi l'as-tu maintenu dans son erreur ?»« C'est parbleu bien lui qui a voulu s'y maintenir, » répliqua Renaro. « Quand on se forge des chimères, on risque de s'attirer des misères. D'ailleurs, mon fils, en ce bas monde, chacun pour soi et Dieu pour tous. Peux-tu bien oublier ainsi la pauvre Lagrimas, cette perle que tu n'as pas su apprécier? Lagrimas, c'est du fruit défendu pour moi, Fabiane. Elle est sous la garde d'un cerbère qui ne la perd pas de vue car elle représente un capital. »